with my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Kanani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Vous êtes sur Énergie, un petit peu plus de 4 heures. Bonjour tout le monde, bon réveil, mercredi matin, là, c'est Cédric. J'espère que ça va, que vous avez tous bien dormi. Oui, pour ceux qui attaquent la journée, là, on se fait Benny Blanco, Claudio Capéo, le tout nouveau, et puis le meilleur de Mickaël sur Énergie, c'est dès 23h tous les soirs. Et on a joué au karaopé. C'est comme le karaoké, mais enfin, vous allez vite comprendre. Bon, alors, Jonathan, on t'appelle du 62. Nous allons jouer au karaopé. El karaopet. El karaopet. Et de l'autre côté, El nous famous allons... karaopet. Ouais, ouais, the world famous. De l'autre côté, Nicolas. Rico el karaopet. Allô, Nicolas. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, merci. Bon, bah, bienvenue. Alors, Jonathan, t'es sur la ligne 1, Nicolas sur la 2. Tu peux donc choisir, Jonathan, en premier avec qui tu veux jouer, Tof, Polo, Amina. Bon, avec Amina. Avec Amina, excellent Jonathan. Choix. Très bien. Ouais. Et de l'autre côté, du coup, tu veux jouer avec qui, Nicolas? Tof ou Polo? Avec Tof. Très bien. Et donc, Polo, va pouvoir, lors du dernier extrait, tenter de donner la réponse et tous vous faire perdre. Bon, c'est des extraits en version paix, avec le rythme malgré tout de la musique, hein, bien sûr, on a fait ce qu'on a pu. Et donc, il faut retrouver la version, enfin le nom du chanteur ou de la chanteuse. En l'occurrence, ce soir, c'est une spéciale diva. Ah, ça parle de moi. Bon, non, justement. Allez, on y va. Jonathan et Nicolas, vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Très bien, voici donc le premier extrait. Non. Comment tu dis? Maria Carré? Non. Britney Spears? Non. Rihanna? Non, non. Céline Dion? Non plus, je vous le remets. Christina Aguilera? Non. Jennifer Lopez? Non. Nicole Scherzinger? Non. Attends, je vous l'arrête là. Écoutez attentivement le début. Là, normalement, vous avez vu. Adèle? Non. Sarah Fabian? Non. Tia? Bonne réponse! Bravo, Mina. Bravo, bravo. Ah ouais. Alors, ça nous en fait un point pour Jonathan et Amina, zéro pour Nicolas et pour Tof. Voici donc le deuxième extrait. Bonne réponse. Bravo Nico. Ah, bravo Nico, là t'as été. Amina est passée à côté de Britney Spears. J'ai eu un doute et en fait je me dis attends, sois sûr et il est sûr voilà. De moi. Et ben voilà, ça fait 1000 points pour Nicolas et pour Tof, 1 point pour Jonathan et Amina. Voici donc le troisième extrait. Beyoncé. Bonne réponse. Oui, c'est le. 10 001 points pour Jonathan et pour Amina, 1000 points pour Nicolas et pour Toff. Mais t'aurais pas dû dire que c'est un spécial diva. Bah oui, mais enfin bon, c'est un thème. Hein. Bah oui. Bon. Mais demandé quelque chose à Jean Polo. Jean Polo. Quatrième extrait. Non. Qu'est-ce que t'as dit, Jonathan? Jennifer Lopez. Non. Non, non. Lady Gaga. Bonne réponse de Toff. Lady Gaga, motherfucker! Comment tu passes à côté de Gaga, Amina? Je sais pas, perturbé. Bon, ça fait 101 000 points pour Nicolas et pour Toff. Et 10 000, 1 point pour Amina et pour Jonathan. Allez hop, c'est parti, voici le cinquième extrait. Go! Qu'est-ce que t'as dit, Jonathan? Non. Il a dit quoi? Bonne Jong. Céline Dion. C'est pas Destiny Child. Non. Non. Bonne réponse. Oh le bâtard. Ouais, c'est mon thème. Oh, c'est le bâtard. Bravo. Putain, il a fait. Mais c'est mon thème, hey, ça parle fort. De moi. On parlait de Diva, c'est pour ça. Mais c'est Jonathan qui dit Rihanna, non? Ouais, ouais, c'est moi. Ouais. Ah, ouais, bravo, donc... bravo, Jonathan. Ah, c'est pas le. Pas du tout. Ah, putain, t'es ouais. Bon, gars. The Wedge. Et eh ben voilà, bon ben Jonathan, au moins comme ça il n'y a pas trop de tristesse. Parce que d'habitude c'est vrai qu'en général c'est souvent celui qui n'est pas choisi qui met tout le monde KO au dernier. Mais là. Mais ça voilà. Va, c'était Polo et comme il est nul, ça passe. Ouais, ouais, mais t'as que ça dans ta vie toi. Voilà. C'est là que tu connais les pauvres gens quoi. Et voilà. Je dis souvent, Polo, il trouve quand même le dernier. Oui, moi, ah, souvent, grave. Souvent, c'est ouais. C'est pas malin, je m'en tape. Bon, et bien du coup, bravo, Jonathan, félicitations. Merci, merci. Ouais, franchement, le dernier, là. Voilà. Bon, et eh ben Nicolas, passe une bonne soirée quand même. Bonne nuit même, Jonathan, tu rappelles quand tu veux, d'accord? À bientôt. D'accord, merci. Mickaël. Mickaël. Rendez-vous ce soir, dès 23h, sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Donne-moi ta main, gamin, et dors prends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et dors prends la scène, nous tournerons en rond, elle est ma peine. Donne-moi ta main. Sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la scène, nous tournerons. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main, gamin. Nous tournerons en rond, elle est ma peine. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine. J'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main. Come on.

like wearing any underwear, so you know. Can I have another shot? Hey, before we get out of here, can you just do me one more favor? Can you say later, bitches? Énergie, bonjour tout le monde. Comme hier après-midi et comme tout à l'heure à 17h30, qui veut gagner jusqu'à 10 000 euros chez Koé sur Énergie? Vous allez pouvoir dans le cash Énergie à 17h30. Vous envoyez Koé au 7-10-12 pour vous inscrire dès ce matin. En attendant, bon, c'est le meilleur de son émission à Koé. Et derrière, ce sera Jane dans la playlist Énergie. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Les champions du monde de l'actu. Et des nouvelles de Nabila dans la foulée, hein. Faut que je vous en donne, hein. Sachez que le premier champion du monde, c'est Kim Kardashian. Vous vous souvenez de Kim Kardashian? Bien sûr. Voilà, celle qu'on connaît pas bien son métier, mais qu'on sait qu'elle poste des photos d'elle tout le temps. On connaît bien son cucu. Elle a fait une déclaration, elle a dit: je me suis marié sous extasie la première fois. C'est une très belle déclaration. Okay. Hein, parce que généralement, il y a des gens qui disent: je me suis marié, j'avais un peu peur, je me suis marié. Elle dit non, je me suis marié sous extasie. C'est un bon exemple pour la jeunesse. Respire intelligence. Hein. C'était son mariage avec le producteur Damon Thomas en 2000. Mais 3 ans plus tard, quand elle a enregistré la sextape qui l'a rendue célèbre, La fameuse. Elle a déclaré: quand j'ai repris de l'extasie, j'ai fait la sextape, puisque ça décuple tout. Voilà, ça décuple tout, c'est la conclusion. Les jeunes, pas d'alcool, pas de drogue, pas d'extasie. Voilà. Oh, vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Ça décuple tout. Regardez la taille de son cul. Elle a dû le prendre de l'extasie en suppositoire. Ça décuple tout. Alors, vous voulez faire des selfies qui rentrent dans des iPads ou dans des téléphones? Alors, pas de drogue, les jeunes. Deuxième champion du monde, c'est un fonctionnaire du Sénat qui a été arrêté dimanche. D'après vous, pourquoi il a été arrêté? Alcool? Non. Il a volé de l'argent? Non, au Sénat, il n'y a pas beaucoup d'argent volé. Il s'est endormi au Sénat? Bah, tout le monde s'endort. Donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il s'est battu? Non, il ne s'est pas battu, non. Il était trop jeune pour être au Sénat? Non, ça fait longtemps qu'on n'ait pas entendu d'un truc comme ça chez nous. C'est un espion? Oui. Il a été chopé pour espionnage au profit de la Corée du Nord. Il a été placé en garde à vue dans une enquête ouverte par le parquet de Paris. Il aurait donné des informations à la Corée du Nord. À l'ancienne. Mais tu sais quoi? Mais c'est facile. Facile de donner des infos à la Corée du Nord. T'arrives avec un Bebop et un Minitel, mais Kim Jong-un lui-même, il te remercie, il te fait citoyen d'honneur. On n'a jamais eu ça. C'est incroyable, il adore, il kiffe. Super champion du monde, toutes catégories sont le Black Friday et le Cyber Friday. Cyber Monday. Vous en avez entendu parler? Donc Black Monday, Black Friday, c'était les réducs. Oui, et ouais. Le Cyber Monday, c'est compliqué, c'était les réducs qui continuaient. Et en fait, Jeff m'a expliqué un truc, vas-y, dis-le, tu le dis très bien. En fait, quand ils te disent vous passez de 1500 euros à 400 euros, en fait, les 1500 euros, c'est les constructeurs de canapés, de télé, qui disent tiens, vous pouvez aller jusqu'à ce prix-là si vous voulez, parce que ça sera crédible. Mais c'est un prix qu'ils donnent une fois au moment où ils fabriquent la télé, mais après, ça vaut jamais ça. En gros, ils vous mettent un prix, ils vous disent vous avez moins 60%, 1000 au lieu de 1500, mais le 1500, c'est le prix conseillé maximum par le fabricant, et vous verrez que tout le monde le vend à 1000 euros. Et ils se sont même rendu compte qu'il y avait des produits qui étaient vendu à 1000 euros plus cher que ce qui devrait être vendu sans le Black Friday. C'est fantastique. C'est-à-dire que déjà avant, ça servait à recaser globalement toutes les merdes qui étaient dans le fond du magasin. Ouais. Où on te met un moins 30, on fait c'est génial. Mais ça cartonne, grand carton. Faut l'avoir. Mais prenez-en deux, faut l'avoir. Ça va partir vite. Ben oui, Yann Barthès, il met les mêmes. Alors là, si Yann Barthès, il met les mêmes, achetez-les. Hein, c'est tellement so chic in Paris. Donc voilà, donc le Black Friday, c'est pas tout le temps, mais c'est souvent une escroquerie. C'est clair, en gros, vous avez le Black Friday quand t'achètes encore plus pour le Cyber Monday, et ensuite, quand t'as comparé les prix, c'est le fucking Tuesday. Bienvenue, c'est aujourd'hui en plus. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Over you, but I have just better things to do than crying over you.

Et bon réveil tout le monde, vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, j'espère que c'est là ce matin. Non, pas de pub, on profite là, une heure sans pub avec tous vos hits préférés. On va écouter Angèle, Romeo Elvis, Kaigo avec Imagine Dragons, et puis le meilleur de Mickaël. 23h, 3h chaque nuit sur Énergie. Mickaël sur Énergie, le meilleur de l'émission. Avec David, David qui avait un petit coup dans le nez visiblement. Écoutez, c'était sur Énergie semaine dernière. Alors, nous allons récupérer donc le retour de David. Allô David. Dans quel rôle? Comment? Dans quel rôle? Dans quel rôle? Comment ça, dans quel rôle? Ah bah, j'ai une idée. Dans quel rôle? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, David? Dans quel rôle? J'ai une idée. Allumez-feu. Allumez-feu. Ah, c'est ça. Ah, ouais. Ah bon, là, t'as toujours beaucoup de chance. Je savais que j'aurais dû le prendre dès le début de l'émission. C'est son anniversaire, c'est peut-être pour ça, cette explication. Ah, ouais. Ah, bah voilà le problème, voilà, effectivement. Bah, bon anniversaire, hein. Merci, tu as fêté ça, hein. Bah, ouh là là. Oula, depuis. Ah, bah, dis donc, ça s'entend un petit peu, hein. Il en reste un peu, ça sent juste. Happy birthday. Ouais. Happy birthday, bien sûr. Bon. Et donc David, tu voulais nous chanter une petite chanson, c'est ça? Voilà. Quelle chance. Plusieurs fois, plusieurs chansons. Comment? Plusieurs chansons. Ah, plusieurs. Oh, une seule, c'est bien déjà. Hein. Après, tu feras les autres parce qu'elle insiste. Tu feras les autres à Amina au téléphone au standard, mais en solo. D'accord, j'ai pas tout chanté. On a des problèmes de ligne en solo, ça coûte souvent. Ouais, c'est embêtant. Hein. Ah, ça c'est contrariant, c'est très contrariant. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, moi non plus. Bon, du coup David, qu'est-ce que tu voulais? Enfin, qu'est-ce qu'on peut pour toi? Ouais. Chanter. Oui, on l'a compris, mais tu veux chanter quoi? Jennifer. Ah, vas-y, chante Jennifer pour voir. Au soleil, Oublier qu'on est au soleil. Hein. Non, c'est m'exposer un peu plus au soleil. Ouais, c'est ça. Ouais. Oublier qu'on est au soleil. Il y a pas revu, c'est Kenji pour oublier. Ah, ouais. Attention. Parce que l'imitation de Johnny est impressionnante. Autant Jennifer, je vais te l'avouer, je vais être franc, c'est nul, David. Hein. Autant Johnny, j'ai failli m'y mettre. Ah bah là, tu y as cru là. Attends. Ah, t'as kiffé. Refais-la pour voir si c'est pas un coup de bol. Allumez le feu, Ritano. Ah ouais. En fait, il nous a fait un mashup. Ouais, le mec est fort. Hein. Ah ouais. Ou alors, il connaît même pas beaucoup de chansons. Écoute, je suis désolé, au début, je me foutais un peu de toi, mais. Faut tout de même avouer que. Tu tiens un truc, on sait pas quoi. Ah, il y a quelque chose. Jaja, hein. Ah oui. Vas-y, fais-nous un petit mashup Hit Music Only là. Oh, j'ai musique en ligne aussi avec Mickaël à la radio. Oui, on a compris. Bon, de 23h à 4h. Voilà, 5h même, on va jusqu'à 6h. Bah, tu sais quoi, on va remplacer Manu, tiens, de 23h à 9h. Hop, voilà, rien à foutre, même pas peur. Le premier humeur a perdu. J'adore, Koé. Ah bah tant mieux, bah écoute, lui-même également, il vient de m'envoyer un message, il dit je suis fan également de David. Appelle-le demain. Demain, voilà, demain dès 17h. D'accord. N'hésite pas à appeler jusqu'à 20h, on continue. Oui, il faudra pas hésiter. Hein. Si jamais ça passe pas, t'hésites pas, tu enchaînes chez Emeric. Il va kiffer également. Voilà, et si jamais ça ne va pas chez Emeric, va dormir. Hein, voilà. Parce que l'énergie, à 23h, on ferme la boutique, il n'y a plus rien, on ferme. Ça marche. Voilà, c'est terminé. Voilà, non, mais. Un cadeau. Bah, absolument pas. Mais non. Bon, David, en tout cas, blague à part, vraiment. Pas mal. Impressionné, hein. Ah, vraiment là tu nous as bluffé. Hein. Alors là bouche bée, c'est exactement le mot que je cherchais quoi. C'est. Eh bah écoute, merci de nous avoir fait profiter de ce talent caché. Mon chéri, à moi. Voilà, n'hésite pas à le garder à cet endroit-là, caché, je veux dire. Et tu nous rappelles à l'occasion, David, d'accord? Oui, encore bel anniversaire. Oui, et bel anniversaire encore, bien sûr. Ah, j'ai un cadeau quand même, j'ai cadeau. Absolument pas. Ah oui, c'est vrai que c'est ton anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut t'offrir? On peut t'offrir un reste de hot dog de Toff. Non, merci. Non, on peut offrir les sandales de Toff. Ah, alors ça, là, effectivement, cadeau. Là, non. Ah bah non. Là, on se fout pas de la gueule des gens avec ça. Hein. Bien sûr, un portable ou un tablette. Ouais. Évidemment. Eh ben, écoute, on va faire ça, on va en carton. Ah non. Si, tu vas voir, ils sont vachement meilleurs. Au moins, quand tu tombes dans l'eau, tu vois, t'as pas la rage, quoi. C'est pas gentil, Mickaël. Bah non, je suis un salopard, mais ça. Polo, il vit sur Polo. Mickaël, c'est un connard. Mais bien sûr, mais attends, j'ai du gros. Hein. Bah alors là, Mickaël est sympa, Mickaël. Non, je suis un connard. Hein. Non. Ah si. Je dirais pas ça. Ah bah moi, je le dis. Demande à Toto de Lyon, il va t'expliquer. Ah oui, voilà, tu peux. Toto de Lyon qui doit pour une fois être d'accord avec moi, tiens.

Sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil. J'espère que tout va bien ce matin. On écoute Lady Gaga dans la playlist Énergie. Lady Gaga qui va sortir un nouveau morceau avec U2. Ouais, ce sera pour début 2019. Ça va être cool. Lady Gaga dans la playlist Énergie, Bradley Cooper et puis le meilleur de Koé sur Énergie. Avançons au tour cet après-midi à 17h30. Écoutez, c'était hier. 17h-20h. C'est Koé sur Énergie. Il vend cette magnifique valise, on l'appelle, n'oubliez pas le principe. Si jamais ce monsieur reconnaît que c'est de la merde, vous direz, eh ben si c'est de la merde, on vous l'achète pas. On l'appelle. Elle est horrible. Horrible et sale. Même oui. Un vieux d'Eric. Après. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, j'appelle pour la valise, l'annonce que vous avez passée, j'espère que je vous dérange pas, hein, c'est l'heure de dîner. Oui, non, elle est toujours en bas. Je cherche une valise pas chère, donc j'ai vu la vôtre. Ouais. Voilà, donc, mais vraiment pas cher, hein, pas trop en ce moment de moyens. Elle est à combien la vôtre ? Il est retourné dans la valise, là. Elle est à combien la vôtre ? La valise, je la vendais 3 euros, si vous êtes intéressé, je veux voir mon adresse, et puis voilà. D'accord, oui, d'accord, bah, très bien, ouais, c'est la soirée de la sympathie. D'accord, parce que je voulais lui faire plaisir, vous voyez, c'est un cadeau. D'accord. Bah, elle rêvait d'une valise Vuitton. Par contre, c'est pas une valise Vuitton, pas du tout. C'est pas une valise Vuitton ? Non, c'est pas une valise Vuitton du tout, non. Ah, je sais même pas la marque que c'est une marque très connue, quoi. C'est vraiment une valise que j'utilisais quand j'étais très jeune. Et puis, d'accord, voilà. Oh là là, bah oui, mais alors si elle rêve d'une Vuitton et que c'est pas ça, elle va être déçue. Ah bah trouver une Vuitton à ce moment-là. Ah bah oui, mais là ça va pas. Ah oui, bah elle serait déçue si je prends celle-là. Moi, c'est pas du tout une Vuitton. Ah oui. D'ailleurs que je la ressorte pour voir la marque. Non, non, mais je suis d'accord. Non, mais si elle s'attend à ça, vous êtes d'accord que pour elle, ça va être de la merde. Pas forcément de la merde. Non, mais pas forcément de la merde. Non, parce qu'elle est belle la valise. Mais pour elle, oui, si elle s'attend à une Vuitton. Ah bah oui, pour elle, c'est de la merde. Ouais. Ah bah alors, monsieur, si c'est de la merde, on vous l'achète pas ! Ça y est, enfin ! 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. I fear myself.

du bon frappe. Kylian Mbappé. J'ai plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. J'ai plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Ramenez la coupe à la maison. Énergie, salut tout le monde, bon réveil, on est mercredi. Énergie, météo. Et du soleil ce mercredi matin sur un tout petit quart sud-est, des averses dans les Hauts-de-France et des nuages gris pour les autres régions. De 1 à 12 degrés pour les températures cet après-midi, un quart sud de la France sous un beau soleil. Au-dessus, ce sera maussade, les températures max 7 degrés à Strasbourg, Nancy, Dijon et Lyon. Il y aura 11 degrés à Lille, Paris, Caen, Belfort, Limoges et Clermont. Il y aura 14 à Brest, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice. Et un petit 16 degrés à Bastia. Un bon réveil tout le monde. Manu dans le système sur Énergie en direct à 6h. Et là c'est Panic at the Disco sur Énergie. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes.

d'où je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sans ce que tu es te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï. Danse danse à la vie à l'amour. Laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï. Danse danse à la vie à l'amour. Laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï laï laï laï la la laï. Danse danse à la vie à l'amour. Laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï. Danse danse. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie à l'amour. Danse danse danse danse danse danse danse danse danse danse danse à la vie à l'amour. Danse danse danse danse danse danse danse danse danse à la vie à l'amour. C'est fini. Ouais. Mais j'aime bien. Ouais. On va se le remettre. Allez. Alors excusez-moi, mais il y a un truc à la radio. Quand on aime un titre, on peut jamais le remettre. Ouais, c'est chiant. Ah. Non, quand toi t'écoutes un truc sur Spotify ou sur Deezer que t'as envie de te le réécouter, tu te réécoutes. Ouais. Si j'ai envie de le réécouter Soprano, vous me dites bah non, on va pas le réécouter. Pourquoi? Mais t'es pas sûr que tous les gens ont envie de le réécouter. C'est ça. Ça. Ouais, c'est ça. Et voilà. Il faudrait que je sois plus égoïste et m'en foutre. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je crois que tu l'as déjà fait d'ailleurs. Dans un titre que t'aimais bien. Ah. Je crois que tu l'as déjà fait sur cette radio. Ouais. Tu veux dire que je suis égoïste et que je m'en fous? Ouais, je me permettrai pas. D'accord. Comme tu veux. Voici Soprano. Non parce que alors j'adore mais j'ai prévu un autre truc. D'accord. Ah, okay. Pour le club du 555 avant de démarrer l'émission dans 5 minutes, le club du 555 ce petit moment entre nous ou alors vraiment on est égoïste. Ah là oui. Ah, mais vraiment oui, oui. On est entre nous, on est bien, tout le monde dort, les autres laissez-les dormir, vous emmerdez pas si ouais. Vous êtes seul réveillé chez vous, laissez-les tranquilles. On est là entre nous et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de mes préférées. Ah oui. Ah. Oh. Une de mes préférées d'après vous, c'est qui? La Gomez. Célia Gomez, non, elle est française. Chaim. Ah oui, oh, vous avez trouvé déjà. Tu m'adores. Bah, c'est Chaim, quoi. Ouais. Eh, hey, Chaim. Ah, ouais. Valeur sûre. T'as bon. Vraiment un petit faible pour elle. Hein. Ah non, non, j'ai un énorme. Ce que tu veux d'ailleurs. Mais, ah non, non, beaucoup, beaucoup. C'est son anniversaire aujourd'hui, 51 ans. Ah. Mais non. Non, 33. Et je me dis qu'on pourrait s'écouter un petit Chaim. Cool. Un gros Chaim. Ouais. Allez. Et alors sur Énergie, il est 5h56, soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9, on démarre dans 3. Je t'aime, mais tu me parles pas dessus. Je disais on démarre dans 3 minutes. Ouais, ouais. Qui ose, qui incarne la différence, qui pose sans qu'on leur dise mais comme ils le pensent. Parlez-moi de personnalité, d'originalité, d'idée. De bohème, qu'importe l'univers, l'addiction est la même. Parlez-moi de créativité, d'originalité, d'idée. C'est génial. Il y a 3 minutes, je dis que j'adore Chaim. De qui je viens de recevoir un SMS? De Chaim? Non, de Chaim. De personne. Oh. Il est 6h. Ça sent la bonne journée. On amène le coq.